Give up. Robert Song, Vita Imana, Vita Bilima, Boyo Kangaï. prince, maillé des Jocksons et l'Ossefio qui a des petits souvenirs, vite et calé, et pour le corps. Céleste, lève le diamant, appelé du salut, le roi Matoumé, le roi Fortuna, il est beau. Ma petite amolière, voyeur de Washington, Atala, quoi, Nicolo, Yassou, et à propre. Je suis un peu plus de temps.